La cousine Bette, en proie depuis son arrivée à Paris à l'admiration des cachemires, avait été fascinée par l'idée de posséder ce cachemire jaune donné par le baron à sa femme en 1808 et qui, selon l'usage de quelques familles, avait passé de la mère à la fille en 1830. Depuis 10 ans, le châle s'était bien usé, mais ce précieux tissu, toujours serré dans une boîte en bois de santal, semblait, comme le mobilier de la baronne, toujours neuf à la vieille fille. Donc elle avait apporté dans son réticule un cadeau qu'elle comptait faire à la baronne pour le jour de sa naissance et qui, selon elle, devait prouver l'existence du fantastique amoureux. Ce cadeau consistait en un cachet d'argent composé de 3 figurines adossées, enveloppées de feuillage et soutenant le globe. Ces 3 personnages représentaient la foi, l'espérance et la charité. Les pieds reposaient sur des monstres qui s'entre-déchiraient et parmi lesquels s'agitait le serpent symbolique. En 1846, après le pas immense que Mademoiselle de Fauveau, les Wagner, les Janet, les Froment-Meurice et des sculpteurs en bois comme Liénard ont fait faire à l'art de Benvenuto Cellini, ce chef-d'œuvre ne surprendrait personne. Mais en ce moment, une jeune fille experte en bijouterie dut rester ébahie en maniant ce cachet quand la cousine Bette le lui eut présenté, en disant « Tiens, comment trouves-tu cela ?»